Deuxième partie de l'enregistrement. Pour vous inscrire, apportez-nous une photo, un document d'identité et un relevé d'identité bancaire si vous voulez payer par virement. Vous pouvez trouver une fiche d'inscription sur notre site internet à l'adresse www.fitnesseforme.fr. Les frais d'inscription annuels sont de 42 euros si vous êtes nouveau dans notre centre et de 32 euros si vous êtes déjà membre. Pour les frais mensuels, veuillez consulter notre site ou notre standard ou venez directement nous voir. Le tarif dépend du nombre de cours que vous désirez suivre. Merci. Et n'oubliez pas que fitness et forme, ça vous remet en forme.